France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Il est des lieux culturels, qui le sont devenus culturels, un peu par hasard ou par nécessité. Entendons une propriété, un château, un hôtel particulier, qui après des décennies, voire des siècles, où ils ont été occupés par leurs propriétaires, leurs descendants ou les descendants de celles et ceux qui les ont cédés suite à une faillite, une ruine, une révolution, ont été achetés un jour ou l'autre par l'État, par la ville ou par le département et se sont transformés en musées, en théâtre, en salle de concert. Et puis, il y a des lieux culturels qui l'ont toujours été, tel ou tel musée, telle ou telle salle de spectacle. Ceux-là sont alors associés à une époque, une école, une architecture. Témoin, le théâtre des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne à Paris, dans le 8e arrondissement, inauguré en 1913. Une avenue, l'avenue Montaigne, où la mode et le luxe sont rois, on le sait. Mais, on s'en doute, cela n'a pas toujours été le cas. En 2013, par définition, on célèbre le centenaire de ce théâtre et de ses trois salles de spectacle. 50 ans plus tôt donc, calculons bien pour le cinquantenaire de ce lieu mythique, mythique mais il fut très critiqué et moqué dans un premier temps, la radio n'avait heureusement pas laissé passer cet anniversaire et avait recueilli les souvenirs de celles et ceux qui avaient été à l'origine du projet, ou leurs proches bien sûr. Voici le premier volet d'une série diffusée pour la première fois sur la chaîne France 3 le 26 mars 1963. L'histoire de la construction du théâtre des Champs-Élysées entre 1906 et 1913. À l'occasion du 50e anniversaire du théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 National présente 15 avenue Montaigne. Production et interview recueillie par Sylvie Albert. Aujourd'hui, le théâtre Objet, avec Lucien Astruc, Pierre Bertin, Madame Bourdelle, Marie Dormoy, Michel Dufay, Dominique Denis, Madeleine Follin, Jacques Berthaud, Laurine Mazel, Olivier Messiaen, Arthur Rubinstein, Claude Rostand, Ossip Zadkine et Jean Vienner. Présentation et réalisation, Pierre Barbier. Un demi-siècle d'âge, et pourtant le théâtre des Champs-Élysées ne présente pas une ride. Un théâtre est d'abord l'œuvre des architectes qui l'ont conçu, de tous les ouvriers qui ont œuvré à sa construction et des artistes qui l'ont orni. Il est avant tout objet. Et c'est cet objet que des témoins de sa naissance vont évoquer ce soir. Il y a 50 ans, Paris était loin de présenter sa physionomie d'aujourd'hui. Les Parisiens avaient des goûts, des soucis, des habitudes autres que ceux des habitants de Paris en ce printemps 1963. Le lieu où se dresse l'édifice était alors presque désert, hors de Paris, difficile d'accès. On disait encore Chaillot, Auteuil, Passy, comme on dit de nos jours, Boulogne ou Maison Lafitte. Des hommes d'affaires achetaient à vil prix des terrains de ce côté. On disait que Paris se développerait vers l'ouest, mais cela relevait de l'anticipation. D'autre part, on aimait une peinture et une sculpture bien déterminées. Les autres faisaient scandale ou semblaient méprisables. Mais venons à notre théâtre. Madame Bourdelle et son gendre, Michel Dufay, sont nos premiers témoins. Un homme d'affaires, amateur d'art, il était aussi administrateur de la Tour Eiffel et du musée Grévin, Gabriel Thomas, semble bien l'initiateur du projet. Vers 1899, mon mari a fait pour Chéret une cheminée. Nous possédons au musée trois maquettes pour cette cheminée. Alors, Gabriel Thomas, qui était un grand ami avec Chéret, à cette époque-là, a demandé à mon mari de faire les reliefs qui se trouvent au-dessus de la scène du théâtre Grévin, du musée Grévin. Mais il a un théâtre, le musée Grévin. Alors, c'est comme ça, je ne me rappelle pas si c'est Chéret qui a fait connaître Bourdelle à Thomas ou si c'est Thomas qui a fait connaître Chéret à Bourdelle. Mais ça n'a aucune importance pour le théâtre. Alors Thomas avait beaucoup aimé Bourdelle et il venait le voir. C'était très facile pour lui de venir voir souvent Bourdelle parce qu'il habitait à Bellevue. Alors comme il prenait le train pour venir à Paris, il débarquait à Montparnasse et Bourdelle habitait là où est notre musée à cette époque-là, c'était la rue Impasse du Maine. Maintenant, il porte son nom. Alors il passait, il voyait Bourdelle, il voyait ce qu'il faisait. Il a vu un jour Bourdelle en train de travailler à son Héraclès et il le faisait en tout petit, il n'avait à peine que 60 cm son Héraclès. Et ça l'a intéressé beaucoup Thomas. Thomas lui dit, si vous me le faites grand, je vous l'achète, je le mettrai dans mon parc de Bellevue. Alors Bourdelle a été très content, il a fait l'Héraclès en grand, c'est pour M. Thomas qu'il a fait l'Héraclès en grand. Et alors, avant de le porter à Bellevue, M. Thomas a accepté qu'on le mette au salon, et ça a été le premier triomphe de Bourdelle. Et bien, comme vous voyez, Thomas a aimé Bourdelle, et depuis, il continuait à venir le voir. Et il y avait aussi un autre artiste qu'il aimait beaucoup, c'était Maurice Denis. Les deux artistes, il les aimait, et pour leur œuvre, et pour leur qualité d'homme. Et il avait fait le rêve de faire construire quelque chose où ces deux artistes travailleraient et feraient une décoration belle. Alors il a pensé faire un théâtre. Il avait pensé au début l'appeler le Théâtre d'Or. Ensuite, eh bien, il a fait un comité et on devait faire le Théâtre des Champs-Élysées. Malgré tout, le projet reste encore vague à l'état de nébuleuse, pourrait-on dire. Thomas et un autre homme d'affaires, Astruc, cherchent encore par quels moyens concrétiser ce rêve. Marie Dormoy, à votre avis, qui de ces deux hommes a eu le premier l'idée d'un théâtre ? Celui qui a eu l'idée du théâtre des Champs-Élysées a été Gabriel Astruc. Ça, il faut lui rendre cet hommage, n'est-ce pas ? Ça a commencé en 1907, je crois, 1906 ou 1907. Il s'était fait donner un terrain très bien au rond-point des Champs-Élysées, c'est pourquoi on disait le théâtre des Champs-Élysées. Il avait demandé un projet à un architecte qui s'appelait Bouvard et qui, je crois bien, parce que je n'ai jamais pu retrouver ces projets-là, qui avait fait un passage du XVIIIe siècle. C'était construit en pierre, ça coûtait très cher, mais comme ils avaient le terrain pour rien, ça pouvait marcher. Et puis, à un certain moment, ça c'est très compliqué cette histoire, la ville de Paris a dit non, nous ne voulons pas. C'était à la place du cirque d'hiver. Ils ont dit non, puisque le cirque d'hiver est démoli, nous ne voulons pas que l'on mette un édifice qui coupe les perspectives comme le faisait le cirque d'hiver. Alors il a fallu chercher un autre terrain, mais il a fallu l'acheter. Alors, le théâtre en pierre de taille, dame, il coûtait un peu cher. D'autant plus qu'ils ont acheté un terrain à la Vieille Montagne. Mais à ce moment-là, c'était presque la banlieue. Il n'y avait pas de métro, il y avait la moitié d'un tramway, il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait rien du tout. Et les fiacres n'y allaient que quand ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce quartier, en fait, était plein d'hôtels et de choses avec des grands jardins. Il n'y avait rien à faire. Enfin, ils ont fait tout de même leur théâtre là. Madame Bourdelle et Michel Dufay. Eh bien, à ce moment-là, Maurice Denis a recommandé Van de Velde comme architecte. Van de Velde, malgré qu'il était belge, il était le chef de l'école de Weimar. Il était en Allemagne, en somme. Et quand il est venu à Paris, on lui a donné à faire ça. Il a fait le projet qui a plu au comité, mais le comité a trouvé que la façade était un peu allemande. C'était peut-être l'idée qu'il était chef de l'école allemande. Alors Thomas est venu trouver Bourdelle. Elle lui a dit, est-ce que vous ne pouvez pas retoucher un peu cette façade, faire qu'elle paraisse française ? Alors Bourdelle a retouché la façade, a composé même des bas-reliefs pour ses façades, puisqu'on lui avait dit qu'il ferait les bas-reliefs. Et Thomas a porté ses dessins au comité qui a accepté absolument la façade. Et c'est dans une nuit que Bourdelle a fait ses corrections à la façade de Van de Velde. Vous voyez que mon gendre connaît les détails très bien. Il a beaucoup étudié la question. Alors ils ont accepté. Seulement Van de Velde voulait faire son théâtre en pierre de taille. Oui. Alors ça coûtait affreusement cher. Thomas était riche, le comité avait de l'argent, mais enfin tout de même. Marie Dormoy. Et un dimanche matin, tout à fait par le plus grand des hasards, Auguste Perret est allé voir le peintre Théo van Rysselberghe, un Belge qui connaissait beaucoup Van Velde. Et alors, il allait tout simplement lui demander l'adresse de son bourrelier, qui était un de ces petits artisans merveilleux qui faisait des miracles. Il arrive chez Van Rysselberghe et Van Rysselberghe lui dit « Ah bah tiens, je vous présente Van Velde et qui me raconte ses malheurs parce que le théâtre des Champs-Élysées ne se fait pas, il n'y a pas d'argent. » Enfin, Van Velde pleure, gémit, il avait tout à fait raison. Et Perret lui dit « Bah vous n'avez qu'à le faire en béton armé, il vous coûtera un tiers moins cher et vous pourrez vous en tirer. » Van Velde a couru comme un fou chez Gabriel Thomas, a expliqué l'affaire et tout de suite on a demandé à Perret un projet. D'abord on les a convoqués pour une séance devant le comité. Alors ils sont, lui et son frère, enfin c'était l'aîné qui parlait, le frère était le second très respectueux de l'aîné, mais enfin c'est toujours l'aîné, il y avait le droit d'aînesse chez les Perret. Alors il a expliqué l'affaire, on lui a demandé un projet, le projet a été fait en 15 jours et au bout de 15 jours le comité a dit « nous le prenons ». Mais la façade sera faite par Henri Van Velde, le décorateur. Alors on a marché là-dessus. D'abord, il fallait tout changer, puisque un théâtre en béton armé ne peut pas être construit sur le plan d'un théâtre en pierre. C'est le jour et la nuit. C'est pourquoi quand on dit c'est un plan de Van Velde et c'est ceci, cela, c'est absolument faux. Il fallait un plan adapté aux nouveaux matériaux, n'est-ce pas? Et c'est la première fois qu'on construisait un théâtre en béton armé. Le comité a trouvé le plan intéressant, mais il a trouvé que la façade était aveugle. Alors Thomas s'est rappelé comment Bourdelle avait retouché la façade de Van de Velde et il a demandé à Bourdelle de retoucher cette fois encore la façade qu'avait fait Perret. Bourdelle l'a fait avec plaisir et il a composé même d'autres bas-reliefs. Le comité acceptait la façade. Alors Perret a pris la place de Van de Velde. Maintenant tous les détails, c'est pas la peine que je vous raconte tout ça. Et il a fait le théâtre des Champs-Élysées. C'est à cause de Bourdelle que je me suis occupée du théâtre des Champs-Élysées. Parce qu'un jour, j'étais allée le trouver pour une conférence que je devais faire sur lui, je ne sais pas où, dans Paris, et au moins lui demander son accord, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivée dans son atelier, il faisait un buste extraordinaire, en cire, colorié, et il avait pour modèle un homme qui était assis sur un grand tabouret, comme un tabouret de bar, qui avait une barbe d'une coupe extraordinaire et un grand crâne tout nu, enfin qui avait une figure très expressive. Il m'a dit non, je n'y ai pas fait aucune attention, mais j'ai trouvé le buste merveilleux. Et puis quelques jours après, Bourdelle me dit, je vais aller avec mes élèves visiter le théâtre des Champs-Élysées. Et c'est Perret qui en est l'architecte. Je dis, je ne sais pas, je ne le connais pas. Il me dit, mais si vous l'avez vu l'autre jour, je faisais son buste. Alors, si vous voulez venir, parce qu'à ce moment-là, je faisais déjà de la critique d'art, et si vous voulez venir, vous auriez un très beau sujet d'article, parce qu'on ne parle pas du tout de Perret comme architecte, et moi, je le considère comme un très grand architecte, et vous pourriez faire un article et sur lui et sur le théâtre des Champs-Élysées. Alors, un matin, nous sommes allés au théâtre. Perret nous attendait sur l'avenue Montaigne. Il nous a fait visiter tout le théâtre. Il avait l'air d'être d'une humeur massacrante. Et Bourdelle était très rieur et très, très gentil et très gai. Et puis, en fait, tout ça, ça s'est très bien arrangé. Les Perret, ils n'avaient fait que deux constructions en béton armé à ce moment-là. La maison de la rue Franklin et le garage de la rue de Ponthieu. Alors, c'était pas grand-chose. Ils travaillaient comme entrepreneurs. Mais comme architectes, c'était leur troisième chose. Et tout de suite, n'est-ce pas, le théâtre des Champs-Élysées, c'était quelque chose. Tant plus qu'ils avaient 36 ou 37 ans, quelque chose comme ça. Alors, c'est comme ça que je me suis liée avec les Perret et que j'ai connu le théâtre des Champs-Élysées. Mais quelle était la personnalité d'Astruc? Parmi les nombreux témoins de cette naissance, nous trouvons aussi Jean Viener qui va nous le dire. Je dois dire que le théâtre des Champs-Élysées est un peu à la base de toutes mes activités, qu'en tous les cas, j'ai suivi son énorme activité bien avant même qu'il n'existe, car je connaissais Gabriel Astruc au moment où il a décidé d'inventer le théâtre des Champs-Élysées. La personnalité d'Astruc, elle est très très très difficile à définir, car c'était à la fois un homme d'un très grand cœur qui avait un goût énorme, et c'était aussi un très grand homme d'affaires. Il avait des yeux électriques et une façon de parler extrêmement, extrêmement violente et extrêmement persuasive. Et c'est certainement, il a fait à son époque des choses extrêmement intéressantes et bénéfiques. Pour faire aboutir une entreprise de cet ordre, il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut aussi des capitaux. Le grand pianiste Arthur Rubinstein nous raconte comment, tout jeune homme, il fut mêlé à l'affaire. Je dois vous raconter un tout petit peu que je suis un peu lié avec ce théâtre des Champs-Élysées. Je suis arrivé à Paris, tout jeune homme, à 18 ans. J'ai été présenté à M. Gabriel Astruc, un personnage assez considérable. Vous savez qui a fait construire le théâtre des Champs-Élysées, c'était son rêve. Et qui en fut le premier directeur. Mais oui, enfin, le premier directeur malheureux. C'est une de ces choses qui correspond à beaucoup des héros, n'est-ce pas, qui ont contribué le plus et qui ont été tués pour cela immédiatement après. Mais vous, M. Astruc, était un homme de grande imagination. Il avait dans sa tête de donner à Paris un théâtre beau, nouveau, confortable, élégant. Il n'y en avait pas à Paris, en dehors de l'opéra. Vous savez très bien que tous les théâtres ont des couloirs terribles, sont en danger de tuer tout le monde en cas de feu. Par exemple, quand j'entre dans le théâtre de variété, je tremble pour ma vie. Eh bien, lui, il nous a donné cela, il fallait une vision. Mais il manquait toujours d'argent, il n'en avait pas. Et alors, moi, j'étais très ami, enfin j'étais ami filial, n'est-ce pas, avec un monsieur âgé qui avait un sentiment très paternel, c'était le comte Potocki, qui était sans enfant, richissime, qui avait alors comme petite maison ce qui est maintenant la chambre de commerce avenue Friedland. Vous savez, un palais de 100 chambres avec un grand jardin derrière et tout cela. Alors il avait beaucoup d'intérêt pour moi. En tant déjà de compatriote, il était polonais, n'est-ce pas, très, très patriote. Et alors, Astruc me poussait toujours à demander à M. Potocki de donner quelque argent pour ce théâtre à venir. Et j'ai réussi. Il a donné, je crois, 500 000 francs, énorme somme. Et c'était un peu à cause de moi, parce qu'il ne savait rien de la musique, mais il croyait à tout ce que je disais à ce sujet. Il convient maintenant de parler avec un peu plus de précision de la décoration du théâtre, Madame Bourdelle. Thomas a demandé à Bourdelle de faire la façade, a demandé à Maurice Denis de faire la coupole. Mais comme il a vu que Bourdelle faisait de très belles aquarelles, il lui a dit « Vous pourriez peut-être nous faire des fresques à l'intérieur. » Alors, il a donné à Bourdelle à faire fresques et sculptures, et il a donné aussi à Maurice Denis à faire les sculptures qui sont au-dessus de la Seine. Vous savez, les petites sculptures qui sont au-dessus de la Seine sont de Maurice Denis. Alors, Bourdelle a fait ses compositions. Au début, il avait fait, pour le haut de la façade, un Apollon sur Pégase. Après, il a trouvé que ce n'était pas un bon sujet pour un centre. Et il a changé, il a mis Apollon et sa méditation, et les 9 muses qui accourent vers Apollon. Alors, vous remarquerez que les 2 muses de chaque côté qui approchent le dieu s'arrêtent et ne bougent pas. Les autres courent. C'est Isadora qui l'a inspiré pour son théâtre. Michel va vous dire ce que mon mari a dit là-dessus, mais il va vous le dire tout à l'heure, pas tout de suite, parce que lorsqu'ils ont fait le théâtre, comme Bourdelle pour sa façade, il a composé ses bas-reliefs de telle manière qu'ils sont un véritable mur. À l'époque, on faisait des bas-reliefs où les mains sortaient, les pieds sortaient, n'est-ce pas? Les bas-reliefs ne se tenaient pas contre le mur. Alors on a trouvé que c'était archaïque, que c'était, je ne sais pas, on a beaucoup critiqué le théâtre des Champs-Élysées. Et mon gendre va vous dire ce qu'on avait dit à ce moment-là. On cria à l'archaïsme, et comme les découvertes de Schliemann dans l'art archaïque grec inspiraient à l'époque les sculpteurs allemands, Forain appela le théâtre le Zeppelin de l'avenue Montaigne. Bourdelle rétorqua « Tout ce qui est synthèse est archaïsme. L'archaïque est l'opposé du mot copie. C'est l'enneminé du mensonge, de tout cet art du trompe-l'œil sottement odieux qui change le marbre en cadavre. » Et il ajouta « Non, ce n'est pas là mes sources. La vie a été mon école. Toutes mes muses au théâtre sont des gestes saisis durant l'envol d'Isadora Duncan. Avec 9 visages divers que j'ai pu dérober à bien des visages de femmes, c'est toujours elle, Isadora, qui s'entrechoque dans ma frise avec Isadora, dans la fureur de l'hymne ou dans l'abandon de l'offrande. » Quant aux petites fresques, il n'a fait que 3 aux ateliers, celles qui se trouvent au-dessus des loges du président. Palace Athénée, la muse est Pégase et le poète est Pégase. Les autres, il les a fait sur place sur des échafaudages. On lui avait fait des petits échafaudages. Alors moi j'allais, ça m'intéressait de le voir peindre, puis je lui passais les pinceaux, je lui passais les couleurs. Alors j'amenais ma fille qui était un tout petit bébé, pensez donc, en 1912, elle est née en 11. Alors je l'amenais là-bas, et elle prenait les pinceaux et elle peignait par terre. Alors ça amusait Bourdelle, mais un jour il m'a dit, tu feras bien de l'enlever d'ici parce qu'elle finira les fresques plus vite que moi. Un art qui heurtait le goût commun de l'époque, certes. Mais qu'en pensaient les artistes non officiels du temps, ceux qui déjà se réunissaient à Montparnasse? Et quel jugement peut-on porter sur lui après 50 ans? Le grand sculpteur Ossip Zadkine nous le dit. Pendant qu'on construisait ces théâtres, on en parlait à Montparnasse déjà, des jeunes parlaient. Mais enfin, le théâtre, la naissance, et après son rayonnement, quand il s'est ouvert, était une conversation quotidienne dans les ateliers des artistes. Je crois qu'il a fait scandale à l'époque parce que la sculpture était très influencée par l'art de Rodin, c'est-à-dire qu'il y avait des mouvements extérieurs au mur et que le premier, à ce moment-là, Bourdelle, a voulu faire une sculpture dans le mur. Ça, c'est incontestable. Ce n'est pas seulement parce que c'était un nouveau théâtre qu'on venait de construire à Paris, mais c'était aussi parce que l'esprit a beaucoup changé. L'esprit de cette sculpture que Bourdelle a introduite pour la première fois était une sorte de cassure. Il a apporté une chose nouvelle dans l'architecture décorative. Je crois qu'il puisait son inspiration surtout dans l'Antiquité. C'est un très joli mot. Vous savez, mais aujourd'hui, nous parlons de moins en moins de l'Antiquité, mais nous parlons surtout de certaines époques qu'on fait la chair de ce qu'on appelle l'Antiquité. Il a toute espèce d'Antiquité. Mais enfin, n'est-ce pas, son esprit de la sculpture était tout à fait autre chose parce que c'est pour la première fois qu'on voyait à la place de personnages féminins et des masculins qui avaient toujours pudiquement habillés, qui cachaient ce qu'il ne fallait pas voir, des personnages qui avaient des narines, qui avaient même quelquefois des expressions et des seins quelquefois avec des tétons tellement prononcés que même aujourd'hui, 50 ans plus tard, quand je passe quelquefois dans la rue d'Assas, je vois deux cariatides qui me font peur encore. Maintenant, moi qui ai déjà un garçon qui n'a plus de moustache blondasse. Eh bien, son esprit rampait entièrement avec ce décorativisme, ce réalisme des figures copiées sur la nature et qui étaient affublées des gestes et des mouvements artificiels. Et il est allé donc vers l'Antiquité, même pas l'Antiquité grecque de l'époque praxitélienne, mais il est allé encore vers les primitifs, cette sculpture extraordinaire du dorisme, enfin des grands temples doriques magnifiques, n'est-ce pas, l'époque du 6e et 5e siècle avant Christ. C'est l'époque de ce personnage magnifique qui portait sa chèvre ou son mouton vers le marché pour le vendre. Il avait un sourire d'un homme qui portait un bijou sur ses épaules pour montrer que ce n'était pas seulement qu'une petite bête à vendre, mais c'était un petit être exquis. Et même le mouton aussi souriait avec grâce et une fierté. À cette époque-là, tout ça s'était rehaussé aussi par une connaissance très approfondie de la nature et de l'anatomie d'un corps humain, mais tout ça s'était assez, comment dirais-je, affaibli, assez amené vers des grâces où la sculpture, où la grâce anatomique devait correspondre et répondre d'une façon mâle à un objet, même naturaliste, même anatomique, et que ça doit décorer une architecture. Donc, n'est-ce pas, pour la première fois à cette époque-là, il a 50 ans, M. Bourdelle a placé les problèmes de la sculpture comme il faut qu'ils sont encore placés maintenant. Il ne faut pas dire beaucoup de mal, n'est-ce pas, de ceux qui font maintenant des morceaux de fer qu'ils collent une avec l'autre, avec un peu de... Enfin, pour que ça colle et pour que ça tienne. Mais enfin, les problèmes de la sculpture, c'est le même. C'est Bourdelle qui les a placés pour la première fois. Il a placé les questions qui sont encore aujourd'hui vivantes et qui sont acceptées dans toutes les écoles, l'école des Beaux-Arts. Enfin, j'étais à cette époque-là élève de l'école des Beaux-Arts, j'étais un élève de l'atelier de M. Angelbert qui avait des jolies moustaches et qui aimait beaucoup des modèles qui venaient de Toulouse. C'était adieu aux artistes, n'est-ce pas, aux élèves. On ne s'occupait plus de lui, n'est-ce pas, il restait devant le modèle, il l'a bouffé avec sa moustache. Eh bien, à cette époque-là, nous étions obligés de se tenir trois ou quatre parmi une vingtaine d'élèves, c'était ensemble parce que nous étions presque comme des relégués, comme des pestiférés, parce que nous osons regarder des choses différemment. Et à cette époque-là, un de nos élèves, je me rappelle, a porté une tête romane qui a fait une extraordinaire impression sur les jeunes âmes qui n'ont encore jamais vu des sculptures et qui ne comprenaient pas ce qui contenait une tête ou un objet de l'époque romane. Alors vous voyez que Bourdelle, donc, à cette époque-là, a placé pour la première fois les problèmes de la sculpture comme il faut, n'est-ce pas, dans des cadres véritables, et que ces cadres véritables ne seront jamais affaiblis ni remplacés par des ordres, parce que c'est l'ABC des choses, c'est l'éternité des choses qui devaient et qui doivent apparaître pour exciter et pour impressionner l'être humain et son œil. Revenons à l'idée directrice de Bourdel dans son travail au Théâtre des Champs-Élysées. Mon mari trouvait qu'il faut que ce soit le mur qui fleurisse en figures humaines. Et non pas qu'on mette des appliques. Vous avez bien compris. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Isadora qui l'a inspiré surtout pour son théâtre. Mais même dans les figures du bas, parce qu'il a fait le grand bas-relief du haut et il a fait 5 bas-reliefs plus petits dans le bas, 2 à droite et 3 à gauche. Eh bien, dans l'un, il figure la danse, c'est Isadora et Nijinsky. Dans l'autre, c'est l'architecture et la sculpture. Le troisième, c'est la tragédie. Le quatrième, c'est la comédie. Et le cinquième, c'est la musique. Et à l'intérieur, il a fait 2 bas-reliefs. L'un représente l'âme héroïque et l'homme, l'âme passionnée. Ils sont au bas de l'escalier qui monte vers les fresques. Ces fresques, il les a fait comme ça. Perret lui a porté le mur en ciment armé parce que M. Thomas lui avait dit: vous pouvez faire des peintures sur une toile et puis nous les collerons. Mais Bourdel a dit non. Les peintures murales, il faut que ce soit du mur. Je ne veux pas de la toile, je veux peindre sur le mur. Mais il ne connaissait pas le métier de la fresque. Alors il a acheté un livre, il a étudié, il a demandé à des amis, à des peintres. C'était surtout Hoffmann qui lui avait donné des conseils. Il était un bon fresquiste. Et puis le peintre Lotte aussi connaissait la fresque. Alors on lui a expliqué et puis il a peint. Alors, on lui apportait les murs chez lui, en ciment armé, et le matin, de bonne heure, il se levait, les ouvriers passaient la chaux, et lui, il peignait. Mais il fallait qu'il finisse sa fresque dans la journée, parce que le lendemain, on ne peut plus retoucher. On peut retoucher une fresque quand elle est faite à sec, comme on dit, sur un mur sec. Mais sur un mur frais, c'est impossible de retoucher. Et lui, il voulait peindre sur le mur frais. Vous savez, il avait son idée et puis on ne pouvait pas le contrarier. Alors il faisait une de ses grandes fresques dans sa journée. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez charmante sur sa fresque qui représente sa Diane. Il me disait, je suis ennuyé, ma Diane, j'ai fait une toute jeune femme et on dirait presque une enfant, j'aurais dû faire une femme plus mûre. Enfin, je tâcherai de réparer ça sur le mur. Alors, il arrive le matin à son atelier, son ouvrier met la chaux, et puis il entend comme ça, on frappe à la porte. Il dit « Entrez !» Une magnifique femme, rousse, grande, très belle, dit « Monsieur, avez-vous besoin de modèle ?» Alors, il lui dit « Parfaitement, déshabillez-vous et mettez-vous là !» Et il lui a donné l'attitude de sa Diane, et il a fait sa Diane comme ça, directement avec le modèle. À présent, parlons de l'œuvre de Maurice Denis. Une simple description ne pourrait guère en rendre compte. Ses enfants, Madame Madeleine Follin et Dominique Denis, en cédant des pages du journal de leur père, retracent le travail préparatoire du peintre. C'est ainsi qu'il écrit: une conversation d'une heure avec Dindy me précise à moi-même mon sujet et y ajoute de la logique, de la clarté et tous les développements. D'un côté, le rythme grégorien qui mène au motet, à la suite instrumentale et à toute la polyphonie de l'orchestre. Dindy voudrait que je termine à Wagner. De l'autre côté, la parole qui engendre les messes chorales, l'opéra, le ballet. Ce serait là qu'il siérait de placer Dindy, qui d'ailleurs refuse toute place au moderne. La coupole comporte au plafond proprement dit une grande verrière, autour de laquelle se développe une frise incurvée où se trouve la décoration. Mais au lieu de 2 parties, cette frise fut divisée en 4 panneaux séparés par des médaillons en camaïeu. J'ai commencé les esquisses du théâtre, dont j'ai eu les mesures définitives par Perret il y a à peine un mois. Dans la mise en scène, être clair, adopter un seul degré de réalité, ne pas mélanger les figures réelles avec les figures allégoriques. Cela équivaut à l'unité de la dimension, d'échelle, de perspective. Quelques semaines plus tard... C'est fin novembre que j'ai reçu la maquette définitive. Je l'exécute en un mois dans un état joyeux d'enthousiasme et de fièvre. Elle est reçue, malgré l'hostilité d'une grande partie du clan hostile, quelques objections. Dindy s'indigne de voir Beethoven nu. Van de Velde trouve que j'ai donné trop d'importance à Wagner, bien démodé. Surtout Parsifal, alors que Brahms et Strauss ne sont pas assez importants. Les visites se succèdent dans l'atelier où est cette maquette et j'apprécie davantage l'architecte Perret. Ces esquisses avaient été données à Perret, qui en fit don au musée d'Albi où elles sont toujours. À mesure que se développe l'histoire de la musique, le jour naît, luit et meurt. Dans chaque panneau, un rouge joue, créant ainsi de l'unité de ton. C'est le vêtement d'Ariane, celui d'Orphée, celui de la cinquième symphonie, celui de Parsifal. Chacun se situe dans un paysage type, la mer, la forêt, la montagne, le parc. Des légendes en lettres d'or commentent les sujets. Bourdelle et Maurice Denis ne furent pas seuls à décorer les murs du Théâtre des Champs-Élysées, je veux dire le Grand Théâtre et la Comédie des Champs-Élysées. Pierre Bertin nous le rappelle. Il y avait des peintures qui ont disparu, il y avait des fresques, il y en a encore quelques-unes dans le Grand Théâtre des Champs-Élysées. Il y avait surtout une chose qui a disparu, c'est très triste, c'était une immense fresque en noir et blanc de Sème. Et Sème avait figuré sur cette fresque tous les personnages à la mode de, en 1913, c'est pas en 1912. On y voyait aussi bien le poète Montesquieu, la comtesse de Noailles, on voyait Cocteau déjà qui était tout jeune, on voyait tous les Rothschild, on voyait Sème lui-même. Heureusement, rien n'a disparu dans la petite Comédie des Champs-Élysées. Toucher à des vuillards, ça aurait été un crime, n'est-ce pas? Dans le foyer, il y a quelques merveilles. Il y a des reproductions par vuillard de scènes de théâtre. Il y a une reproduction de Péléas et Mélisande. Il y a une reproduction de Faust. Il y en a une du petit café qui venait d'être créé au Palais Royal et où on voit encore les acteurs du Palais Royal qui étaient si charmants. Le galop, on voit Germain. L'évêque, Marcel Lévêque, avec son grand nez. On voit Thérèse Dorny, je crois. Et le décor est ravissant. Et dans le panneau à côté, on voit une scène du Malade imaginaire. Dans le décor dans lequel Wilbert a joué le Malade imaginaire sous Antoine à l'Odéon. Et les personnages qui figurent sont Wilbert, le gros Wilbert, à qui Antoine avait confié le rôle du malade, Martha Lems, une chanteuse réaliste. Vous savez, Antoine adorait prendre des gens au music-hall quelquefois pour jouer des classiques. C'est lui qui a commencé cette histoire-là. Alors Martha Lemp, qui était une chanteuse réaliste, jouait Toinette. Avec une grande verdeur, elle était charmante dans ce rôle-là. Germaine de France jouait la jeune fille, Angélique. Desfontaines jouait Thomas Diafoirus, on le voit là sur sa grande chaise. Et, excusez-moi, c'est moi qui jouais Cléante. Et je figure sur ce tableau que Vuillard a bien voulu faire d'après nous. Ce qui est un grand hommage, en somme, qu'il rendait au théâtre. On voit aussi dans ce ravissant foyer un petit tableau de Vuillard qui représente Gémier en train de se mettre une fausse barbe. Et de l'autre côté, on voit Lavallière qui est en train de se préparer aussi à son maquillage. Vuillard aimait le théâtre. Mais il y allait peu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Comédie Française, où il avait fait le décor du Cantique des Cantiques de Giraudoux. C'est la dernière fois d'ailleurs que je l'ai vu, avec cette ravissante petite tête fine, ces jolis cheveux blancs. Il avait un rappel de ce personnage qui était Fauré. C'était, les gens de cette génération-là étaient des hommes aigus, dans la perception des choses, n'est-ce pas, soit des couleurs, soit des sons, mais en même temps, leur apparence était celle de grands sages de la vie. Ils avaient la douceur de ceux qui savent. Le théâtre est construit. Directeur et administrateur, Gabriel Astruc est l'homme responsable de tout. C'est à lui que vont les louanges et surtout les critiques. Vous vous en souvenez, la cabale appelle l'édifice le Zeppelin, avec Forain, ou encore Astruc House. Claude Rostand et Lucienne, la fille de Gabriel Astruc, évoquent maintenant ces querelles. Est-ce que votre père a été très affecté des critiques qui ont été adressées à l'architecte du théâtre? Parce qu'enfin, c'était tout de même une architecture, une conception extrêmement moderne. Est-ce que lui qui avait découvert cet homme, enfin qui l'avait choisi plutôt, est-ce qu'il a été très affecté de ces critiques? Mon père n'en a pas été affecté parce que c'était un optimiste né. C'était un homme qui croyait, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu dans sa mission. Et il avait une telle foi dans les possibilités, le réussite, d'un théâtre conçu par Perret, que toutes les critiques qu'on pouvait y faire le laissaient complètement indifférent. Eh bien, maintenant, nous allons recueillir l'opinion de quelques-uns de ceux qui ont utilisé le théâtre. Tout d'abord, nous allons avoir Jacques Héberto, directeur du théâtre de 1920 à 1925, et Laurine Mazel, chef d'orchestre. Voyons tout d'abord vous, Jacques Héberto. Pensez-vous que le théâtre soit une pleine réussite? Oui et non. Autant je trouvais cette façade de marbre très majestueuse, n'est-ce pas? Autant je n'étais pas très d'accord sur le marbre à l'intérieur. Cela donnait des reflets de projecteurs qui n'étaient pas très agréables et qui ne correspondent pas, je crois, au théâtre. Ensuite, il y avait une rupture entre la scène et la salle qui n'était pas très heureuse au point de vue intimité scénique, si j'ose dire, au point de vue de l'intimité publique et des protagonistes et des artistes, n'est-ce pas? Je crois que ça, c'est une erreur sur le plan technique proprement dit. Mais ceci étant exposé, il faut dire que c'était un théâtre admirable, où l'acoustique a été très bonne et où la vue était magnifique. En tant que chef d'orchestre, lui, Laurine Mazel, trouve que le théâtre des Champs-Élysées est un théâtre heureux. Oui, c'est justement ça que je voulais dire. À part l'acoustique, c'est quelque chose de très important, bien sûr, mais il a une atmosphère d'intimité. Et c'est très important pour l'auditeur d'avoir un rapport direct avec l'interprète, et en ce cas avec le chef d'orchestre. Et en revanche, le chef d'orchestre doit s'en rendre complètement à son aide sur l'estrade. Et il y a un trou entre le chef d'orchestre et le public, ça ne sert à rien. Eh bien, parlons de l'acoustique et du plaisir que l'on peut avoir à aller dans ce théâtre. Il a une acoustique extraordinaire, c'était la première fois qu'un théâtre était construit en vue de l'acoustique au point de vue musical. Et alors, quand il y a eu la première répétition d'orchestre, Weingartner devait diriger. Et alors, il a mis un ami au pupitre et il est allé s'asseoir partout dans toutes les places, depuis l'orchestre le plus bas, les baignoires les plus fermées, jusqu'aux loges d'aveugles tout à fait en haut. Et quand il est revenu, ça a duré peut-être une heure, il a dit « l'acoustique est un prodige ». Perret m'a raconté comment il était arrivé à avoir dans sa salle une acoustique absolument exceptionnelle. Les murs ne sont pas des murs pleins. Il a mis des panneaux de contreplaqué tenus par des petits taquets, n'est-ce pas, qui forment une couche d'air entre le mur de ciment et le panneau de contreplaqué. Et c'est comme ça que l'acoustique a été absolument exceptionnelle, comme la salle du conservatoire, la salle en bois du conservatoire. Il s'est préoccupé aussi de la couleur des fauteuils par rapport au décolleté des femmes. Il s'est préoccupé de tout dans son théâtre. Il a été un architecte merveilleux. Le plan qu'il a soumis au comité est une œuvre géniale. C'était la première fois qu'on faisait en somme une grande construction en ciment armé, et la façon dont il a conçu son théâtre, avec quatre poutres, quatre énormes poutres qui traversent tout le théâtre en longueur, et quatre grandes poutres qui traversent le théâtre en largeur, et aux quatre intersections se trouvent les points qui supportent le plafond de la salle, la coupole. De telle sorte que le projet de Van de Velde comportait 12 points d'appui, et ça faisait nécessairement des endroits d'où l'on ne voyait pas. Tandis que Perret, avec ses 8 points seulement, a fait faire un progrès énorme à la salle même. Ce théâtre a beaucoup plu parce qu'il était très dégagé. Parce que c'est une nouvelle formule de théâtre. Par exemple, vous avez l'opéra ou la Scala de Milan qui ne sont guère composés que de loges. Parce que à ce moment-là, le théâtre, bah, c'était surtout un endroit où tout le monde se recevait. Enfin, c'était comme des petits salons particuliers, n'est-ce pas? Tandis que là, ça a été fait. C'est le béton armé qui a permis cela, parce que on pouvait faire des balcons en porte-à-faux, n'est-ce pas? On n'avait pas besoin de séparation pour tenir les balcons. Et alors, on pouvait les faire tous dégager, et on voyait de partout. Et je crois que c'est Abel Fèvre qui disait « Oh, c'est un délicieux théâtre, parce qu'on voit tout le monde et tout le monde vous voit ». Un délicieux théâtre, un heureux théâtre, et pourrait-on dire jusque dans la tempête. Olivier Messiaen, dont la plupart des œuvres furent interprétées aux Champs-Élysées, raconte une savoureuse anecdote qui sera notre conclusion. Réveil des oiseaux et Chronochromie ont suscité des chahuts mémorables. Chahuts qui étaient absolument extraordinaires, absolument effroyables. surtout pour la chronochromie, mais presque aussi fort pour le réveil des oiseaux. Et je me souviens que pendant qu'une série de belles dames en manteau de vison m'injuriait en me disant « va-t'en salaud » et en me tirant une langue noire, je regardais ostensiblement, pour faire quelque chose, je regardais vers la coupole de notre grande salle du Théâtre des Champs-Élysées, qui est ornée de magnifiques fresques de Maurice Denis, et je lisais en dessous d'une de ces fresques « Quand tu te trouveras dans l'angoisse, lève ton regard vers les cimes ». À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 National vient de vous présenter 15 Avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Aujourd'hui, le théâtre objet, avec Lucien Astruc, Pierre Bertin, Madame Bourdel, Marie Dormoy, Michel Dufay, Dominique Denis, Madeleine Follin, Jacques Héberto, Lorraine Mazel, Olivier Messiaen, Arthur Rubinstein, Claude Rostand, Ossip Zetkin et Jean Vienner. Coproduction, Jacqueline Arpet. Assistant, Pierre Cazaret. Présentation et réalisation, Pierre Barbier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne France 3 Nationale le 26 mars 1963. Notez que les mémoires de Gabriel Astruc, sous le titre « Le pavillon des fantômes », ont été éditées chez Mémoires du Livre. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, la suite de cette série.